Les nuits en musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Mayer. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marco. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Ici Alexandre de Rome, Bruno Mongrain, Maltais. Je vous invite personnellement tous les mardis à 23h sur les ondes de CKRL 89,1 FM pour l'émission Le Vraiment Grand Radio Journal. C'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer. Vous non plus, j'en suis sûr. Le vendredi 24 octobre 2008, c'est un rendez-vous à l'Impérial pour la 7e édition des soirées bénéfices Jeunes musiciens du monde. Cette année, Joran, Carquois, Xavier Caféine, Zibulon, Florence K, Jamil, Alexandre Désilet, Monica Frère, Collectivo, Mister Valère et plusieurs autres seront présents à cette fête de solidarité et de musique. Les billets sont disponibles sur le réseau Billettech ou au www.jeunesmusiciensdumonde.org. Découvrir en radio CKRL 89.1. Bonsoir et bienvenue à Web Music. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie pour la prochaine heure. Ce soir, ben, on a plein de bonne musique, un peu de musique disparate comme à l'habitude. On va débuter tout de suite avec des artistes qui sont sur l'étiquette qui nous vient de Los Angeles, l'étiquette Manimal Vinyl Records. Donc, je veux saluer Paul qui m'a envoyé un petit sampler de la compagnie. On va débuter avec une compilation vraiment intéressante qui va sortir le 28 octobre. Ça s'appelle Perfect as Cats, A Tribute to The Cure. Donc, c'est ça, c'est un hommage à The Cure. C'est un album double qui est vraiment pas cher, puis tous les profits sont versés à la cause Invisible Children. C'est une cause qui aide les enfants qui sont victimes des génocides, donc ça vaut vraiment la peine. L'album a l'air vraiment bon. Je me suis procuré, je devrais le recevoir assez bientôt. Donc, on débute avec Bat for Lashes, une très jolie demoiselle qui nous vient d'Angleterre, d'origine pakistanaise. Je fais passer sa pièce A Forest. Ensuite de ça, ben, ça va être les Dandy Warhols avec la pièce Primary. Pour tout de suite, Bat for Lashes. Thank you. de l'excellent album Hommage à The Cure qui s'appelle Perfect as Cats, A Tribute to The Cure. C'est sur l'étiquette Manimal Vinyl Records. C'était de Dandy Warhols, la pièce Primary. Avant ça, on avait ouvert l'émission avec Bat for Lashes, la pièce A Forest. Je vais vous faire passer d'autres artistes qui sont sur l'étiquette Manimal Vinyl Records. On va entendre tout de suite Rainbow Arabia, un groupe qui donne un peu des influences afro-beat, musique arabe, un drôle de mélange, vous allez voir. Donc Rainbow Arabia, la pièce Let Them Dance. Puis ensuite de ça, on entend un groupe que je veux absolument voir en spectacle un jour, que ça a l'air complètement fou comme mise en scène. Le groupe s'appelle We Are The World. Ils viennent de Echo Park en Californie. Je vous fais passer la pièce A Fire. Puis c'est ça, je vous reviens tout de suite après. Donc on écoute Rainbow Arabia pour tout de suite. Oh! us tonight. Down by the water, he'll make it all right. Jump in, sisters tonight. Wash it away by the moonlight. The man's coming in a wagon. He got that potion, yeah, you know what I mean. Now it's so tragic, they lost that magic. So filled with static from the green machine. C'était We Are the World, la pièce A Fire, un groupe qui nous vient d'Echo Park en Californie. Donc, un groupe qui a l'air assez spécial. Je vais vous poster une vidéo du groupe. Ça va peut-être vous aider à comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Vous avez juste à vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, je vais vous mettre la vidéo. Puis, ben, vous pouvez télécharger à l'habitude les pièces, mais ceux que j'ai de ce soir de Manimal Vinyl Records ne sont pas disponibles pour téléchargement, mais je vous ai mis quand même des liens vers les sites des artistes, donc vous allez pouvoir les réécouter. On quitte Manimal Vinyl Records pour aller vers l'étiquette Phantom, une étiquette des Pays-Bas. Je vais vous faire entendre deux pièces de l'artiste Thor LTD. Je vous fais entendre deux pièces sur son album Free EP. Donc, je vous fais entendre la première qui s'appelle Oge Oed. Excusez pas mon danois, mais en tout cas, mon néerlandais, c'est ça, plutôt. Donc, puis la deuxième s'appelle Prati. Donc, la première, Oge Oed. We'll be right back. Donc, ça rappelait un peu les percussions de Amon Tobin. Il s'agit de l'artiste Thor LTD, un artiste qui nous vient des Pays-Bas sur l'étiquette Phantom, l'excellente étiquette Phantom. Ils ont vraiment du matériel très intéressant. Ils mélangent un peu le free jazz avec l'électronique. Ils ont vraiment des ambiances très intéressantes. Donc, je vais faire une courte pause, puis je vais vous revenir par la suite pour l'émission Web Musique. Ici Alexandre de Rome, Bruno Mongrain, Maltais. Je vous invite personnellement tous les mardis à 23h sur les ondes de CKRL 89,1 FM pour l'émission Le Vraiment Grand Radio Journal. C'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer. Vous non plus, j'en suis sûr. Impact Campus, s'affranchir de l'information filtrée en lisant un journal indépendant. S'affranchir du gaspillage avec notre hebdo en papier recyclé. Vous trouverez des propos insolents, une tendance néolibérale à saveur altermondialiste, une image qui frappe. Impact Campus, gratuit tous les mardis, présent à l'Université Laval et dans les différents cafés de la ville de Québec. Visitez aussi notre site à impactcampus.qc.ca. Vous aimez la radio culturelle? De la culture, notre carte de membre en est pleine. Des rabais de 4$ au Théâtre Périscope, de 3$ au Théâtre de la Bordée. 10% de rabais chez Sillon le Disquaire et à la librairie Pantoute, de 15% de rabais au Théâtre Le Trident. La culture n'aura jamais été aussi accessible en devenant membre de CKRL. Adhérer, c'est facile. Sur le web au www.sillon.com, appelez au 640-2575 ou venez nous voir au 405 3e Avenue. Seulement 25$ pour les membres partenaires. Du nouveau cette année, devenez membre de soutien de CKRL pour seulement 10$. Au sortir du sommet de Québec, la chaire publique de l'Allier s'interroge sur la francophonie, son rôle et son avenir. Pour y répondre, son directeur a réuni pour vous Jean-Louis Roy, Conrad Ouellon, Simon Boivin et Fatimata Diatouré. C'est un rendez-vous le 24 octobre prochain de 11h30 à 13h30 à l'Agora du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. C'est d'actualité et c'est gratuit. Pour information, signalez le 418-656-7190, extension 3. Pour découvrir en radio, CKRL 89.1. Vous êtes toujours à Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie. On va poursuivre l'émission avec une étiquette, j'adore son nom, qui s'appelle Two Left Hands on Two Right Arms. Ça nous vient de la Suède. Ils ont des trucs assez intéressants. Je vous fais découvrir un artiste qui s'appelle Music TLR. Je vous fais passer deux pièces sur son album qui s'appelle Number One. La première s'appelle So You Turn Away. Puis la suivante s'appelle That Old Sweet Something. Donc pour tout de suite, Music TLR. I'm l'étiquette suédoise Two Left Hands on Two Right Arms. C'était la pièce That Old Sweet Something. C'était sur l'album Number One de l'artiste Music TLR. Avant ça, c'était la pièce du même album So You Turned Away. On va se déplacer de la Suède vers la Russie avec l'étiquette Mimonote. Une étiquette, je pense, j'en ai déjà fait passer à l'émission, je ne me souviens pas. Donc, je vous fais passer l'artiste Weekend Without Makeup, donc une fin de semaine sans maquillage, si on traduit. Je vous fais passer la pièce Boys and Girls, We Are Condemned. Puis, ça va être suivi par la pièce Handcuffs, deux pièces qui se retrouvent sur l'album de Fire Squad EP. Pour tout de suite, Weekend Without Makeup. We'll be right back. c'était le groupe russe Weekend Without Makeup sur l'étiquette Minimot. Donc, on vient tout juste d'entendre la pièce Handcuffs. C'était précédé par la pièce Boys and Girls, We Are Condemned. Deux pièces qui se retrouvent sur l'album de Fire Squad EP. On poursuit l'émission Web Musique avec des artistes que j'ai découverts tout juste avant l'émission sur le site Last FM, un site dont maintenant je pourrais vraiment pas me passer. Donc, je vous fais entendre tout de suite Night Beats. C'est un artiste qui vient de la Grèce, la ville d'Athènes pour être plus précis. On va entendre sa pièce No Sleep Tonight, puis une deuxième encore de lui. La pièce s'appelle Lonely Ride. Donc, pour tout de suite, Night Beats avec sa pièce No Sleep Tonight. Thank you. Just one moment, please. Life's discolored. life is the gift I'm giving. You can thank me later for the fact that you're living. Groupe vraiment à découvrir qui s'appelle Victrola. C'était la pièce Subway FN. Avant ça, on entendait deux pièces sur... Mon Dieu, j'ai pas le nom de l'album. On avait entendu Lonely Ride. C'était précédé par No Sleep Tonight. Deux pièces qui sont de l'artiste Night Beats, un artiste qui nous vient de la Grèce, de la ville de Athènes. Ben, c'est déjà tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Mais enfin, la majorité des pièces, pour ça, vous vous rendez au www.webmusic.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Il y a l'émission qui est aussi disponible en balado-diffusion. Donc, vous pouvez écouter l'émission en tout temps si vous l'avez manqué. Vous vous rendez sur le site, puis je vous mets un lien pour télécharger les émissions. Vous avez les archives. Je crois que j'ai commencé à faire ça depuis le mois d'avril. Donc, vous avez quand même beaucoup d'émissions. C'est toujours agréable de pouvoir rattraper ce qu'on a manqué. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. C'est Jason Vlasak qui va prendre les ondes avec son émission Jazzimus Actuel. Moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit à l'antenne de CKRL. Puis, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Web Music. Donc, venez donc faire un petit tour à compter de 21h la semaine prochaine. Bonne nuit. Message aux décideurs en entreprise. Vous souhaitez améliorer vos procédés industriels? Renseignez-vous sur nos mesures d'efficacité énergétique concernant l'éclairage, la réfrigération, le séchage, la ventilation et la compression. Réaliser des économies d'énergie tout en profitant d'un appui financier, c'est plus qu'une bonne affaire. Pour en savoir davantage sur le programme Système industriel, rendez-vous sur hydroquebec.com/affaires. Un choix d'affaires rentable et responsable. Un message d'Hydro-Québec. Vous aimez le jazz? CKRL est présentement à la recherche de plusieurs producteurs-animateurs pour présenter Cool Jazz en semaine sur leur ligne. Nous recherchons des animateurs bénévoles avec ou sans expérience passionnés de la radio. Vous êtes intéressé? Appelez notre charmante directrice de la programmation, Marjorie Champagne, au 640-2575-203 ou en ligne à programmation en commercial ckrl.qc.ca. Ceci n'est pas un bulletin de nouvelles, c'est Mise à jour, animé par José Arsenault à Vox. Un rendez-vous d'information en direct de Québec qui présente la nouvelle sous un angle constructif. Un regard différent, inattendu, aiguisé et impartial. En compagnie d'Antoine Robitaille, Marc Nadeau, Richard Thérien, Carlo Alberton et des correspondants web, José Arsenault anime un magazine moderne, interactif, plus près de vous. Mise à jour, du mardi au vendredi 17h à Vox, Câble 9, une exclusivité de Vidéotron. Vox, ça fait du bien de se voir.